I carry my stereo, and the future girls make me rather pretty, as my woman said. My television here shows only adverts, and my mother's always buying my love for you. Well, found the world current, and here seems to be in California. Niggers in plaintiff's needles, going to sing spirituals. I enlisted plaintiff for you. I enlisted plaintiff for you, honey. Dove diavolo sono finito? E come? Penso proprio che questa volta l'indagatore dell'incubo dovrà assumere se stesso. Benvenuto, Dylan Dog! Benvenuto nella fiera delle angosce dei terrori che ti colgono la... Eletto! Voli a meno. Quante scartoffie! Ma quello lì era un domatore o un impiegato del catasto? Ehi! Questo è il mio pezzo preferito. In questo mare di guai può essere solo un buon segno. Almeno me l'auguro. Meglio prenderlo. Se dovessi incontrare il diavolo, potrei... Ancora incompleto. La unica et veritiera mappa di Mondo Galeone con siti maravigliosi et massime perigliosi. È una vecchia scatola di montaggio, per di più in pessime condizioni. L'unico pezzo intero è un piccolo cannone. Un cannoncino per il mio galeone. tutti i gatti zombie di questo postaccio. Bleh. Thank you. Forma continuamente. E quando conta manco t'aspetta, t'arriva di sotto e alla mia dieta ti pia di sotto senza avvisare, spranzo non ti lascia di campare. Tamuli però, idea fatto mi cangiare non si fa domesticare, ma calubino si su a rispi tamuli però, idea fatto mi cangiare e non si può domesticare. Yeah! Arrispi tavoli però, mordicari. Ma carubino scisu a rispittavo libero. Il fatto di cangiare non si può addomesticare. See you. Ils ont baissé le Sahel et fonctionné. Ils se sont tués, ils ont dit qu'on ne fait rien. L'école est devenue maintenant n'importe quoi. On continue toujours d'avancer. On cherche toujours les occasions. Il faut que, avant que Bobo ne parte, la goutte d'eau dépasse de base. Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2016 qui s'achève a été riche en événements pleins de signification pour notre nation. Maintenant, m'appesantir sur les derniers événements survenus dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Ces événements nous interpellent profondément dans notre chair et dans notre esprit. Le fait d'un groupe de manifestants extrémistes manipulés et instrumentalisés. Le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire que nous devons voir cette systématique. Des bâtiments publics et privés ont été détruits. Les symboles les plus sacrés de notre nation ont été profanés. Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Les activités économiques ont été paralysées momentanément. Tout cela, vous en conviendrez, est inacceptable. Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les cinq sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'hyposmie qui doit être éventualiste sous cet angle-là. C'est clair. Quand on parle de relève, c'est faire allusion à informatiser les sens dynamiciels vers l'humanisme. Je vous en prie. Le peuple camerounais, comme un seul homme, s'est engagé à construire une nation unie, inclusive et bilingue. Il s'agit là d'une expérience unique en Afrique. Comme toute entreprise humaine, notre expérience n'est pas parfaite. Ils savent comment gérer ces histoires-là. Non, les gars, c'est pas trop grave. Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou, E-D-Y-M-A-L-O-U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. We'll be right back.